quartier, le DP, tout ça ramène tout le quartier. Pour les cramer, les infréquentables, les zins, ouais, chétanisés. Pour les grosses peines, les potes libérables, ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. J'suis dans les quartiers noirs, j'suis posé dans un V12. Ça fait des grosses peines, ça fait des soirées mousses. On sert le ponchon, on peut te ramène douce. Mel, mel, mel, mel.